Chapitre 1, page 9, exercice 4. 1. Ils ont déménagé au fin fond de la Bourgogne. 2. Une réunion s'est tenue en haut lieu. 3. Dans ce quartier, on trouve des marchands de chaussures à tous les coins de rue. 4. Il n'y a pas grand-chose à voir dans les parages. Par-ci, par-là, quelques vieilles maisons, c'est tout. 5. Ils ont trouvé un point de chute dans les environs. 6. Elle a fouillé tous les coins et recoins de la cave.